إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans la lecture du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule التعليق القويم على كتاب اقتضاء صراط المستقيم. On est arrivé à la page 395 du volume 1, le passage numéro 195. Dans ce passage, donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne, après avoir cité plusieurs hadiths qu'est-ce qui a rapport avec la jahiliya, au sujet de qu'est-ce qui a rapport avec da'wal jahiliya, le fait d'appeler à une tribu ou à un groupe. Il mentionne plusieurs points. Le dernier hadith, qui est un hadith rapporté selon l'imam muslim, min hadithi Abi Zubayr an Jabir qal iqtatala ulaman ulamun min al muhajirin وغلام من الأنصار فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار نعم يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام فقال ما هذا أدعوى الجاهلية قال لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال لا بأس لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإن له نصر وإن كان مظلوما فلينصره. Non, donc ça c'est l'histoire qu'on avait mentionnée au dernier cours. On avait cité plusieurs narrations de ce même hadith. En fait, ça explique qu'il y a eu en fait une bagarre entre deux jeunes. Il y a eu une bagarre entre deux jeunes parmi les muhajirines et les ansar. Et donc le jeune parmi les muhajirines a appelé en disant « Oh les muhajirines !» Et le jeune parmi les Ansar a appelé en disant « Oh les Ansar !» en voulant dire « Venez à mon secours, venez à mon aide hein, contre ce Ansari, contre ce Muhajiri. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ça hein, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous êtes en train de faire les appels de la Jahiliya ?» Alors les gens ont dit « Non, mais au messager d'Allah !» Mais il y a eu deux jeunes qui se sont battus et un des deux a frappé l'autre. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de problème. Si يعني il y a une injustice qui est faite, alors que l'homme défend son frère et qu'il vienne au secours de son frère, qu'il soit oppresseur hein, ou opprimé. Qu'il soit oppresseur ou opprimé. Et il a expliqué qu'est-ce que ça signifie. Il a dit, si il est oppresseur, il l'aide. Il aide son frère en l'empêchant ou en l'interdisant de faire ce qu'il fait comme injustice, et ça c'est une défense pour lui. Et si il est opprimé, eh bien il lui vient en aide en le défendant. Donc ça c'était le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Maintenant, on va lire les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan au sujet de ce hadith. Il dit « Min umur al-jahiliya lati nuhina anha da'wa al-jahiliya » كالذي ينادي باسم القبيلة أو العشيرة أو الحزب أو الجماعة حينما يحصل التحزب وتثور المشاكل بين المسلمين والواجب أن تسوى الإشكالات والنزاعات بالكتاب والسنة والإصلاح لأن المؤمنين إخوة لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى فلا أحد يترفع على أحد بقبيلته أو عشيرته ومما يدل على نبذ العنصرية ما حصل في غزوة بني المصطلق حينما حصلت مشادة بين شابين أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين فقال الأنصار يا للأنصار يدعو قومه وقال المهاجر يا للمهاجرين مع أن اللفظ المهاجرين والأنصار لفظان محمودان في الكتاب والسنة ولكن لما اعتزى كل منهما باسم جماعته من باب العصبية والتفاخر على الآخر بقبيلته فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك لأنه يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة لا يفخر بعضهم على بعض لأن في هذا من أمور الجاهلية لأن هذا من أمور الجاهلية وكان جهده منصبا على إبطال مآثر الجاهلية وصياغة أمة واحدة بجميع أفرادها لا فضل لعربيها على عجمها على عجميها ولا لأسودها على أبيضها إلا بالتقوى. Donc Cheikh Al-Fawzan il commence en expliquant que qu'est-ce qui s'était produit parmi les choses de la jahiliya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, comme le fait d'appeler par l'appel de la jahiliya, c'est-à-dire qu'on appelle un groupe de personnes par le nom de la tribu, ou par le nom de la famille, ou par le nom du parti, par le nom d'un groupe. Donc tout ça, c'est qu'est-ce qui fait partie de qu'est-ce qu'on appelle al-tahazzub ou al-hizbiya, al-tahazzub. C'est-à-dire que on est tous une seule umma, on est tous une seule jama'a, un seul groupe, un seul parti, une seule nation. Et il ne peut pas y avoir à l'intérieur de cette jama'a des sous-groupes à l'intérieur du groupe qu'on appelle l'islam. Il ne peut pas y avoir des partis à l'intérieur de ce groupe qu'on appelle l'islam. On est supposé d'être un seul groupe, un seul parti, une seule tribu, une grande famille de croyants. Il n'y a pas de place dans cette jama'a, dans ce groupe, dans ce parti, pour des subdivisions hein, ou des différents partis qui se créent pour diviser cette unité qui nous unit sur l'islam et la foi. Donc lorsqu'il y a des problèmes qui se produisent entre les musulmans, il est obligatoire de régler ces problèmes et ces disputes par le Coran et par la Sunna et par la réconciliation. Parce que les croyants sont des frères. Et il n'y a pas de particularité ou de préférence qui doit être donné à un groupe d'entre eux sur un autre, excepté par la piété. Et donc, un groupe de croyants, ou un groupe parmi les musulmans, n'a pas le droit de s'élever par-dessus un autre, par sa tribu, ou à cause de sa famille, de son origine, de sa couleur, de sa langue, ou autre. Et donc, parmi les choses qui montrent que l'islam a rejeté totalement tout ce qui a rapport avec la discrimination raciale ou tribale ou autre, c'est ce qui s'est produit dans la bataille de Bani al-Mustalaq. Lorsque il y a eu cette dispute entre deux jeunes, un d'entre eux qui faisait partie des Ansar et l'autre qui faisait partie des Muhajirin. Alors celui qui faisait partie des Ansar a commencé à appeler en disant « Oh les Ansar !» Il appelait son peuple pour venir à son aide. Et le Muhajiri a dit à son groupe, ou à ceux qui étaient avec lui parmi les Muhajirin, « Oh les Muhajirin !» Le Cheikh dit que malgré que ces deux noms, Muhajirin et Ansar, sont des noms qui sont loués, glorifiés par le Coran et par la Sunna, ce sont des noms louables, des noms glorifiés. Mais lorsque ces noms sont devenus des noms de partisanerie, et que chaque personne appelle son parti ou son groupe, et que ça crée de la division à l'intérieur de la Oumma, et que certains l'utilisent pour se montrer fier par rapport à l'autre, par rapport à sa tribu ou autre. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est mis en colère. Parce que c'est quelque chose qui ressemble à la jahiliya. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, veut des musulmans qu'on soit tous comme des frères. Peu importe qu'on soit de quelle origine, de quelle couleur, de quelle langue, de quelle ethnie, de quel pays, de quelle région géographique, peu importe. Le caractère ou peu importe, disons, la particularité qui pourrait servir comme dénominant dénominatif pour nous distinguer des autres, on n'a pas le droit de l'utiliser pour se distinguer des autres parmi les musulmans, excepté la piété. C'est la seule chose qui doit nous distinguer. Et donc le cheikh, il dit, l'islam, et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour détruire tout ce qui avait rapport avec les affaires de la période pré-islamique et de la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis toute sa force et tous ses efforts pour combattre et opposer toutes les traces de ce qui restait de la jahiliya parmi les musulmans. Et donc il dit que il a voulu qu'on devienne une seule et unique umma, et que tous les individus qui composent cette umma se traitent les uns les autres comme des frères, sans qu'il y ait de préférence à l'arabe sur le non-arabe, ou au noir sur le blanc, excepté par la piété. Et donc le cheikh, il dit, فَالتَّفَاضُلْ بَيْنَهُمْ لَا يَكُونُ عَلَى أَسَاسِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَوْمِيَةِ أَوِ الْحِزْبِيَةِ وَإِنَّمَا عَلَى أَسَاسِ التَّقْوَى. قال سبحانه, يَا أَيُّهَا النَّاسِ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc le cheikh, il dit que l'excellence et le mérite entre les hommes n'est pas basé sur la tribu ou sur la nationalité ou le peuple duquel on vient, ou du parti, mais uniquement sur la base de la piété, taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 13, dans surat al-Hujurat, qui est un verset qui est bien connu, hein, et qui mentionne justement ce principe très important dans l'islam, de la question justement de la fraternité dans l'islam et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés en tribus et en peuples pour qu'on puisse se reconnaître les uns les autres. Et non pas pour qu'on se discrimine les uns les autres ou qu'on se pense meilleurs les uns que les autres. C'est dans le verset 13 dans Sourate Al-Hujurat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Oh, vous les hommes, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons fait, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous entreconnaissiez, c'est-à-dire pour que vous vous reconnaissiez les uns les autres et non pas pour vous discriminer ou pour vous, vous penser meilleurs les uns par-dessus les autres. Pour que vous vous entreconnaissiez et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et le grand connaisseur. Donc ça c'est le verset 13 dans sourate Al-Hujurat, très important ce verset-là. Cheikh il dit ensuite فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا النِّدَاء مِنَ الرَّجُلَيْنِ كُلٌّ يُنَادِي جَمَاعَتَهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ قال أبدعوى الجاهلية ويعني هذا من باب الاستنكار والاستهجان ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة يعني أي اتركوا دعوة الجاهلية اتركوا دعوة الجاهلية فإنها منتنة قبيحة لأن المسلمين صاروا أمة أو إخوة لا فخر لبعضهم على بعض. Donc le cheikh il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cet appel de la part de ces deux hommes, chacun appelant son groupe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné ce que ces deux hommes-là ont fait en disant et en clarifiant que cela fait partie de la jahiliya et des affaires de la jahiliya. Alors il a dit « Abida'u al-jahiliya » Est-ce que vous êtes en train de faire l'appel de la jahiliya? Comment les gens s'appelaient les uns les autres en groupe et en partie avant l'islam, et en tribu, et des choses de ce genre, et en peuple, comme le font les koufars avec qu'est-ce qu'ils appellent le nationalisme, comme ils font là, la souveraineté, et toutes ces autres affaires, et tout ce qui éloigne l'humanité de l'humanité. À l'enlever. Non, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a quatre caractéristiques dans la Umma qui vont rester chez les Arabes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses comme ça qui se produisent de plus en plus parmi les musulmans? C'est à cause des injustices qui sont faites de la part ou d'autre. De part et d'autre, et certaines personnes qui ont vécu des mauvaises expériences avec certaines personnes de certaines origines, puis ils en font des généralisations. Alors à cause de ça, par la suite, ils vont dire, bon, dans ce cas-là, je ne vais plus faire confiance à telle personne de telle origine. Et ils en font une loi ou une règle. Alors que on ne peut pas généraliser à cause d'un exemple de qu'est-ce qui s'est produit ou passé avec une personne. Ça, c'est de l'injustice de condamner tout un peuple à cause d'une personne. Donc, il y a des exemples comme ça. Mais quand même, alhamdoulilah, l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu tous ces éléments qui font partie de la jahiliya, le nationalisme. Et les ulama, ils ont dit, il n'y a pas de problème d'aimer son peuple ou son pays ou son origine si c'est parce que c'est un pays musulman ou que tu l'aimes parce que il y a, dans ton pays il y a l'islam, il y a des mosquées, il y a des musulmans, tu aimes ton pays pour ces raisons-là, ça c'est correct. Mais d'aimer ton origine, parce que juste parce que c'est ton origine, et d'aimer ta culture juste parce que c'est ta culture, puis tu penses qu'elle est supérieure à toutes les autres. C'est là qu'il vient de l'ignorance, tu vois. C'est là que ça rentre, hein, le fait de mépriser les autres parce qu'ils ne sont pas de ton origine, ou de ta couleur, ou de ta langue, ou de ton peuple, ou de ta culture, ou de ta famille, ou de ta tribu, ou de ta classe sociale, ou des choses de ce genre. Hein? On est tous des fils d'Adam. Hein? Et Adam, il vient de la terre. Il ne faut pas oublier ça. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ces jeunes qui appelaient à la djahiliya, chacun appelait à son groupe et à son parti, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas aimé ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, da'ouha fa'innaha muntina. Da'ouha, ça veut dire, laissez ça. Laissez cette djahiliya, laissez cet appel que vous faites. Parce que c'est quelque chose qui est muntin. Muntina, ça veut dire quelque chose qui sent pas bon. Quelque chose qui sent mauvais. Hein? Quelque chose qui est puant. Donc, il dit, laissez ça. Laissez cet appel de la djahiliya. Parce que c'est quelque chose qui est mauvais, qui est laid. Hein? Et un musulman ne doit pas se comporter comme ça. Parce que les musulmans sont devenus des frères. Hein? Et surtout que les Ansar, avant l'islam, ils étaient divisés en deux tribus. Al-Aws ou Al-Khazraj. Et les deux, ils se battaient. Hein? Ils avaient une guerre qui avait duré plus que 100 ans. Hein? Peut-être que les gens, peut-être que les petits-enfants de cette tribu qui se battaient contre l'autre, elle avait oublié même pourquoi cette guerre avait commencé même. Ils ne savaient même plus. C'est peut-être les anciens, les vieux, qui se souvenaient encore de la raison. Et eux, il n'en restait pas beaucoup parce qu'ils étaient déjà vieux. Mais les jeunes, eux, ils continuaient à se battre les uns les autres dans la tribu, sans vraiment savoir pourquoi. Et probablement que si on retournait aux explications ou aux raisons, on aurait découvert que c'était des choses futiles. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'ils ont accepté l'islam, toutes ces raisons, toutes ces disputes, toutes ces divisions sont disparues avec la foi. Et donc, en principe, pour les musulmans, s'ils ont des problèmes entre eux, peu importe la raison de ce problème, s'ils ont la foi et s'ils retournent au Coran et à la Sunna, ils devraient trouver la solution. Et ils devraient arriver à une entente s'ils sont sincères. Le cheikh il dit ensuite, والحاصل أن على المسلمين عدم التفاخر بالقبائل والعشائر والعصبيات والحزبيات ثم إن المنافقين استغلوا هذه الحادثة كعادتهم في إثارة نار العداوة بين المسلمين لا سيما إذا وجدوا فرصة لذلك. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas que les musulmans se sentent fiers les uns les autres, commencent à se vanter de leur tribu, ou de leur famille, ou de leur parti, de leur groupe, par rapport aux autres, commencer à penser qu'ils sont les meilleurs, et qu'ils sont plus forts, et des choses de ce genre. Et puis ensuite, les munafiqines, ils ont essayé d'utiliser cet événement-là qui s'était produit entre les muhajirines et les ansars pour essayer d'allumer le feu de la fitna et de l'animosité entre les musulmans, en particulier avec cet événement-là, parce qu'ils ont trouvé une chance, hein, ils ont trouvé une occasion pour le faire. Alors ils ont essayé de faire de la division entre les musulmans. فَلَمَّا حَصَلَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِ مَا حَصَلَ وجدوها فرصة سانحة للإيقاع بين المهاجرين والأنصار الذين جمعهم الله على الإيمان وعلى التقوى فقام رئيسهم وأخبثهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فقال ما لنا ولهم شبه إلا كما يقال سم من كلبك يأكلك يعني هكذا قال يعني يتمنن على المهاجرين بأن الأنصار أغوهم ونصروهم ويظن أنهم هم السبب في عزهم وفيما نالوا. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد الله عز وجل وعلا على هذا وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، أي لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للقبائل والعصبيات. Donc, le Cheikh il dit ensuite, lorsqu'il y a eu cette dispute entre les Muhajirin et les Ansar, qui est arrivé ce qui est arrivé, eh bien les Munafiqin ont trouvé que c'était une occasion pour eux d'essayer de créer des disputes et des conflits entre les Muhajirin et les Ansar. Et qu'est-ce qui les a réunis? Par quoi Allah subhanahu wa ta'ala les a réunis? C'est par la foi et par la piété. Alors leur chef, la tête des munafiqin, le plus mauvais d'entre eux, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a dit, yani en parlant des muhajirin et en voulant dénigrer les muhajirin, il a dit: si tu engraisses ton chien, il te mange ou il te mord. Hein? Comme c'est pour vous. Il veut dire quoi? Il veut dire que les Ansar ont défendu et ont accueilli les Muhajirin, maintenant ils pensent que yani, c'est nous qui, comme c'est en voulant dire les gens de Médine, on est la cause, comment ils sont devenus forts et qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, c'est à cause de nous. Ça, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui dit ça pour essayer d'éveiller les sentiments de Jahiliya chez les Ansar. Et il a dit: si on retourne à Médine, le plus puissant va en sortir le plus humilié. Et il veut dire par le plus puissant lui-même, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, et il veut dire par le plus humilié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a réfuté en disant: mais c'est à Allah qu'appartient la fierté et la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. C'est-à-dire, ils ne savent pas que la puissance appartient à Allah seul, puis à son messager, puis aux croyants. Donc, elle n'appartient pas, cette fierté, au fait d'appartenir à une tribu ou à des groupes ou des partis ou des gangs, peu importe. Il dit: وَمَاذَا أَغْنَتْهُمْ هَذِهِ الْعَصَبِيَّاتِ قَبْلَ مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ألم تشتعل الحروب بينهم واستمرت الحرب أكثر من 100 سنة حتى هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفئت به الفتنة وصاروا إخوة متحابين، لكن بقي النفاق في قلوب هؤلاء الموتورين الذين يريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع ووحدة الأمة والكلمة وأن يعيدوا الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها، فالله جل وعلا فضحهم. Donc le Cheikh il explique que, il dit: mais ces tribus et ces gros et ces partis qu'ils suivaient auparavant, avant l'islam, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra vers Médine, qu'est-ce que ça leur a servi? À quoi ça leur a servi? Hein? N'ont-ils pas eu des grandes guerres entre eux qui ont duré plus que 100 ans parfois, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra vers eux et qu'il éteigne cette fitna et qu'ils deviennent comme des frères qui s'aiment les uns les autres? Mais malheureusement, cette hypocrisie, ce nifaq est resté dans le cœur de certains d'entre eux qui veulent ramener encore une fois la division, diviser ce groupe uni, diviser cette umma, diviser leurs paroles pour qu'ils redeviennent des gens qui étaient divisés comme ils étaient divisés dans la jahiliya. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a démasqué le plan des munafiqin. Il l'a fait connaître aux gens. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, فَهَذَا الْإِسْمَانَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارِ إِسْمَانَ شَرْعِيَّانَ جَاءَ بِهِمَا الْكِتَابُ وَالسُنَّةِ وَسَمَّاهُمَ اللَّهُ بِهِمَا كَمَا سَمَّانَا مُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ. انتساب الرجل إلى المهاجرين أو إلى الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله, ليس من المباح الذي يقصد به التعرف فقط أو التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار, ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. Il dit, Cheikh al-Islam, que ces deux noms, Al-Muhajiroun et Al-Ansar, sont deux noms qui font partie de ce qui a été légiféré par Allah et révélé dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés par ces deux noms-là. Il les a appelés Muhajirin et Ansar. De la même manière qu'il nous a appelés des musulmans, comme il mentionne dans Surat Al-Hajj, le verset 78. Et donc, l'appartenance d'un homme aux muhajirin et aux ansar, c'est une appartenance qui est bonne et glorifiée et louable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne fait pas partie de ce qui est permis seulement, de ce qui est seulement permis et par lequel on veut uniquement se définir ou s'identifier seulement. Comme quand tu donnes une définition, comme quand tu dis par exemple Fulan al-Misri, Fulan al-Kanadi, Fulan al-Fransi, Fulan al-Britani. Ça c'est permis parce que c'est juste pour t'identifier puis pour savoir d'où tu viens seulement. Mais yani, al-Muhajiri ou al-Ansar, c'est pas pareil. C'est quelque chose qui est louable et glorifié. Hein? كالانتساب إلى القبائل والأمصار, de faire partie de telle tribu, hein, parmi les différentes tribus ou les différentes villes. Ça c'est mubah. Il y a d'autres appellations ou laqab qui sont détestables ou interdits même, comme par exemple le fait d'appartenir à certaines bid'ah ou à certains groupes, hein. Donc, ou à certains péchés, comme par exemple Fulan al-Mu'tazili, ou al-Shi'i, ou al-Tabliri, ou al-Naqshbandi. C'est des amis. Ouais, c'est ça. Sauf, il y en a même que j'ai vu, il y en a qui s'appellent Tijani. Tijani, ou al-Saharwardi, ou al-Rifa'i, ou al-Shadiri, ou al-Akhiri. Donc ça c'est des appartenances à des groupes de bid'ah et à des turq soufiya et à des sectes ou des choses de ce genre. Ça c'est sûr que c'est blâmable. Il dit ensuite ثم رفع هذا ولما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم تصدر ذلك من الجماعة فأمر يعني فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحظور من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا. فعل أهل الجاهلية فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن وواجب أو مستحب. Donc Cheikh il explique que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a comme mentionné que cela c'est pas correct lorsqu'il a entendu qu'un des groupes appelait chacun appelait son groupe pour demander la défense de son groupe. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné ça. Il a appelé ça la da'wa de la jahiliya. même certains parmi les sahabas ont dit, oui, mais c'est juste deux jeunes qui se battaient, il n'y a rien de sérieux. Hein? Alors, du fait que c'est arrivé de, seulement de deux jeunes et non pas de tout le groupe, hein, tous les musulmans, non, juste deux jeunes. Mais il leur a ordonné d'interdire à celui qui fait l'injustice et d'aider celui qui est opprimé. Pour expliquer par là ce qui est blâmable dans ce qu'il faisait. Et d'expliquer que yani, le simple fait que quelqu'un appelle son groupe, ça fait partie, yani, appelle son groupe pour se défendre contre un autre parmi les musulmans, mais que ça, ça fait partie des choses de la jahiliya. Mais que si tu veux défendre ton frère dans la vérité, sans qu'il y ait de transgression là-dedans, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est bon, ou bien même recommandé. Il dit, « Laysa al-muhajirin wal-ansar lafzun, lafzul muhajirin wal-ansar lafzun mahmoud. » Donc l'emploi du terme « muhajirin » et « ansar », ça c'est un terme qui est louable. « Walakin idha dhakarahu l'insanu min bab al-asabiyya, kana mazmouman » Si quelqu'un mentionne ces deux termes dans le sens de vouloir appeler à un groupe de façon fanatique ou partisane ou tribale, dans ce cas-là, ça devient quelque chose qui est blâmable. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné et c'est ça qu'il a appelé da'wa al-jahiliya. بين له صلى الله عليه وسلم لما بين له صلى الله عليه وسلم السبب فيما حصل قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وبين ان النصر المظلوم دفع الظلم عنه ونصر الظالم منعه من ظلمه وليس بالرجوع الى العصبيات فهذا من انصافه صلى الله عليه وسلم فالأصل في حل النزاعات وفض الخصومات الرجوع إلى كتاب الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Donc le cheikh il dit que ces deux termes sont louables, sauf si tu les utilises dans le sens du partisantisme ou du tribalisme, la partisanerie, des choses de ce genre. Là, ça devient blâmable. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné lorsqu'il a dit « Est-ce que vous appelez à la jahiliya ?» Il voulait expliquer et on lui a expliqué qu'est-ce qui s'est produit et pourquoi ça s'est produit. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Viens au secours de ton frère, qu'il soit opprimé ou qu'il soit l'oppresseur. » Et donc, c'est pour dire que si c'est lui qui fait l'oppression, eh bien, tu l'aides en l'empêchant de faire l'oppression et l'injustice. Hein? Et tu aides l'opprimé en empêchant celui qui lui fait de l'injustice de le refaire. Et non pas en retournant à la partisanerie, puis au tribalisme et à ces choses-là, au racisme et des trucs de ce genre. Donc ça fait partie des exemples de modération puis de justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc que, à la base, dans tout ce qui a rapport avec les disputes et les désaccords et les conflits, il faut revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les résoudre. Et il dit, comme c'est mentionné dans le Coran, le verset 59 dans surat al-Nisa, hein, ce qui signifie, et si vous disputez ou divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Donc ça, c'est la méthode qu'on doit employer lorsqu'on a des conflits. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne d'autres hadiths dans ce thème, dans le même thème. Et il dit, وَهَذَا مِثْلُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَ عَنْ وَاثِلَ ابْنُ الْأَسْبَعِ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم قال سراقة ابن مالك ابن جعشم أو جعشم نعم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم نعم ما لم يأثم رواه أبو داود وروى أبو داود أيضا عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il cite des hadiths dans le sens de ce qu'on a mentionné. Et il dit que c'est rapporté par Abu Dawud Ibn Majah. Selon Wathila Ibn al-Asqa, radiyallahu anhu, il dit, je dis, ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'asabiyya? Qu'est-ce que l'asabiyya? Donc il demande la définition d'un mot. Alors il répond, il dit, c'est que tu aides ton peuple dans l'injustice. C'est quoi l'asabiyya? Il dit, l'asabiyya, c'est que tu aides ton peuple dans l'injustice qu'ils font. Donc il n'y a pas de doute que ça c'est de l'injustice et que c'est haram. Tu ne peux pas aider quelqu'un à faire de l'injustice à quelqu'un d'autre. Ça c'est de l'injustice pure. Et un dernier hadith qu'il mentionne, ou il y a un autre hadith qu'il mentionne ensuite, il dit que c'est rapporté selon Jubayr ibn Mut'im que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui appelle à l'asabiyya il n'est pas des nôtres. Et celui qui se bat pour Al-Asabiyya, il n'est pas des nôtres. Et celui qui meurt dans Al-Asabiyya ou sur Al-Asabiyya, il n'est pas des nôtres. Ça veut dire, Al-Asabiyya, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que tu aides ton peuple dans l'injustice. Donc celui qui aide son peuple, qui appelle à appeler son peuple dans l'injustice, il n'est pas des nôtres. Celui qui combat pour aider son peuple dans l'injustice, il n'est pas des nôtres. Et celui qui meurt dans le combat pour défendre l'injustice, il n'est pas des nôtres. C'est ça que ça signifie. Bien entendu, yani, tout ça c'est des définitions qui doivent être retournées pour comprendre selon, yani, on doit les ramener au Coran et à la Sunna. L'injustice, c'est défini selon le Coran et la Sunna. Pas l'injustice telle que certaines personnes l'interprètent. Parce que les koufars, ils inventent des droits. Et les koufars, ils inventent des droits comme ça. Puis ils disent, ça c'est un droit, t'as ce droit-là. Si le dirigeant te refuse ce droit, bon ben t'as le droit de te révolter ou des choses comme ça. Non, ça c'est pas des droits. Exactement. Exactement. C'est ça. Il y a des gens qui interprètent tout selon les règles que les koufars ont inventées. Ouais. Non, l'injustice, ça se définit selon le Coran et la Sunna. Donc tout ce qui est contraire à la loi d'Allah, c'est une injustice. Tout ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, c'est une injustice. Par contre, il y a certains koufars aujourd'hui qui considèrent que l'islam est injuste. Oui, il y a certains, même certains qui se disent musulmans, ils disent l'islam est injuste envers la femme, par exemple. Alors que c'est le contraire. C'est de ne pas appliquer la charia qui est une injustice envers la femme. Mais de l'appliquer. Mais de l'appliquer, c'est la justice pure. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger les choses quand on parle des choses, des termes comme ça, la justice et l'injustice. C'est important de bien comprendre. C'est ça. Ils veulent philosopher. Alors, ils l'interprètent à leur façon. Non, mais eux, ils pensent que Hezbollah, c'est le Hezb des Shia au Liban. Donc, il faut expliquer que ça, c'est pas des musulmans, ça. Le groupe qui s'appelle Hezbollah au Liban, ce sont pas des musulmans, ce sont des Rafidah qui se prétendent musulmans, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc il dit ensuite le cheikh l'islam wa rawa Abu Daoud aydan an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man nasara qawmahu ala ghayri al-haq fa huwa kal ba'ir alladhi ruddi fa huwa yunza'u bi dhanbihi. Donc ici c'est un autre hadith qui est rapporté selon Abi Daoud. Et le cheikh, donc il mentionne ce hadith qui dit celui qui s'est rapporté selon Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui défend son peuple sur autre que la vérité, c'est comme un âne qui a été couvert, auquel on a couvert la tête. Et qui est tiré par sa queue. Il dit, يبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن معنى العصبية أن تعين قومك وأنت تعلم أنهم ظالمون حماية لبني قومك كما قال الشاعر فهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. Donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ici la signification de l'asabiyya, c'est d'aider ton peuple. Alors que tu sais que ton peuple est injuste, tu les aides à faire l'injustice. Hein? Pour défendre ta tribu ou ton peuple, ou les gens de ton origine, ou des choses comme ça. C'est ça l'asabiyya. C'est ça. Qu'est-ce qui est haram dans l'islam? L'asabiyya. Allah al-musta'an. Donc il y a des fois des gens comme ça. S'il y a des problèmes entre deux musulmans, un musulman il est d'une origine et l'autre il est d'une autre origine, et qu'ils vont aller par exemple demander l'aide de quelqu'un pour trancher ou pour régler le problème, puis que la personne à qui on se réfère fait partie d'une ethnie ou d'un groupe d'un des deux qui ont la dispute, et puis lui il penche automatiquement vers celui qui est dans son ethnie parce que il est de même origine que lui, alors il dit tout de suite ah c'est lui qui a raison parce qu'il est de mon origine. Ça c'est de l'asabiyya. Ça crée des gros problèmes. C'est comme par exemple oui c'est vrai. C'est déjà arrivé même à des gens ici à Montréal. Quelqu'un, il fait partie d'une origine ou d'une ethnie, puis l'autre fait partie d'une autre ethnie. Ils vont voir quelqu'un pour régler le problème en disant, lui c'est quelqu'un, il a de la science, il va trancher. Mais parce que la personne en question, elle fait partie de la même ethnie qu'un des deux, eh bien, son côté nationaliste ou bien sa passion, il prend le dessus sur la vérité. Puis il regarde plus qui a raison, qui est-ce qui a pas raison, mais il regarde uniquement qu'est-ce qui fait du fait que la personne est de son origine, il prend sa défense. Donc, oui, c'est arrivé. On n'a pas besoin de citer des noms et on a été témoin de ça. Donc c'est pour dire que c'est pas pour désigner une personne en particulier, tu comprends? Mais c'est juste pour savoir que des choses comme ça, ça peut arriver. Ça peut exister, et donc il faut faire attention à ça. Et surtout quand, par exemple, la personne en question, elle parle la même langue que l'autre, et l'autre non. Alors ils se comprennent bien entre eux quand ils expliquent. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans un hadith. Non. Si par exemple la personne, elle a, comme on a dit, elle connaît la langue d'un des deux, elle sent comme un lien plus proche avec la personne, quand ils se parlent, ils s'entendent. Il est arrivé quelque chose comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, et c'est un hadith qui est authentique, yani. Je pense qu'on le retrouve justement, je pense, dans Boulour al-Maram, Kitab al-Qadha, si je ne me trompe pas. C'est le hadith 1291 dans Boulour al-Maram, selon Salama, an Salama. رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. C'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari Muslim selon Salama, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous venez vers moi pour régler vos disputes, il se peut que certains d'entre vous soient plus éloquents, hein, et plus capables d'exprimer son argument que d'autres, alors moi je vais juger selon ce que j'entends. Si jamais, par erreur, par rapport au fait qu'un est plus éloquent que l'autre, il s'exprime mieux que l'autre, en me basant sur ce que j'ai entendu, je donne raison à celui qui a tort, et que je lui donne le droit de son frère, alors qu'il ne prenne rien du droit de son frère. Parce que c'est comme si je lui avais coupé une partie du feu de l'enfer. C'est comme si je lui avais donné une partie du feu de l'enfer. Non. C'est-à-dire que si la personne, là, elle est en train de disputer son cas devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis elle dit, oh messager d'Allah, ça c'est à moi, ça c'est à moi, j'ai rien. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il l'écoute, il entend son argument, il s'explique bien, il donne les arguments. L'autre, il a de la difficulté à s'exprimer, il ne parle pas facilement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit que c'est lui qui a plus raison que l'autre. Parce qu'il se base sur ce qu'il entend. Hein? Pas sur la révélation dans ces cas-là. Donc il donne raison à l'un. Et l'autre, au fond de lui, il sait dans son cœur qu'il a menti. Puis que ce n'est pas vrai. Parce qu'il s'exprime bien, il a fait croire à ça. Mais au fond de lui, ils disent, c'est vrai, au fond de moi, je sais que c'était pas à moi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais attention, si jamais je te donne la raison dans le jugement, puis que toi, au fond de toi-même, tu sais que tu as menti, puis que c'était pas vraiment à toi, alors, quand tu prends la chose que je te donne, c'est comme si tu prenais une partie du feu de l'enfer, ou un morceau du feu. Donc, prends le pas, hein? Sois sincère et remets-le à qui il appartient vraiment. Et donc ça c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour tout, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça comme exemple pour lui-même, mais il le dit pour tous ceux qui vont être juges par la suite, pour qu'ils soient, hein, qu'ils fassent attention que parfois quelqu'un il va parler. Peut-être que par exemple quelqu'un, on est dans un pays arabe par exemple, la personne qui est là, elle vit là mais elle n'est pas arabe d'origine, elle a de la difficulté à s'exprimer en arabe, donc elle ne peut pas se défendre comme il faut. Donc l'autre il profite de ça pour faire passer sa cause, puis pour essayer de montrer qu'il a raison alors qu'il a tort. Donc ça c'est un exemple aussi comme ça. Donc, le cheikh, il donne l'exemple. Donc, tu n'as pas le droit, l'asabiyya, tu vas aider ton peuple, même lorsque tu sais qu'ils sont injustes, pour défendre ta tribu ou ton peuple. Il dit, ça, tu n'as pas le droit. Il dit, c'est comme les gens disaient, comme le poète dans la Jahiliya. Il dit, moi, je suis de Razia. Si Razia fait qu'est-ce qui n'est pas correct, il dit, moi aussi, je ne veux pas être correct. Mais si elle est droite, alors dans ce cas-là, moi aussi, je vais être droit. Il la suit dans le bien, il la suit dans le mal. Non, le musulman, il n'est pas comme ça. Il suit dans le bien quand c'est bien. Et quand il y a de l'égarement ou de l'injustice ou de quelque chose qui n'est pas correct, je ne suis pas là-dedans. Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit, « Wa qawluhu » Et ça me fait rire, ces histoires-là, beaucoup, parce que, étant donné que j'ai grandi entre deux cultures, la culture haïtienne puis la culture canadienne. Hein? Donc, quand j'étais plus jeune, souvent j'étais avec des Canadiens, des Québécois, puis des fois j'étais avec des Haïtiens. Quand j'étais avec des Canadiens, je voyais leur comportement. Je voyais que parmi eux, il y avait des bonnes choses, mais il y avait aussi des mauvaises qualités. Et quand j'étais avec les Haïtiens, je voyais qu'ils avaient des bons comportements, des bonnes attitudes, et aussi ils avaient des défauts et des choses qui n'étaient pas correctes. Et donc, en comparant entre les deux, tu arrives à voir qu'il y a du bien d'un côté, puis il y a du bien de l'autre. Et il y a du mal d'un côté, puis il y a du mal de l'autre. Est-ce que je vais faire comme certains? Si tu acceptes une culture, tu acceptes tout, ce qui soit bien ou mal. Et si tu rejettes une culture, tu rejettes tout, que ce soit bien ou mal. Ça, c'est ça la jahiliya. C'est ça la jahiliya. La jahiliya, c'est d'agir comme ça, de dire soit tu prends tout ou tu laisses tout. Alors que le musulman, non, il prend tout ce qui est bon, puis il laisse tout ce qui est mauvais. Peu importe. Exactement. Ça, c'est une parole, on n'oubliera jamais, mashallah. Soyez comme l'abeille et ne soyez pas comme la mouche. L'abeille, elle butine les meilleures fleurs pour prendre le meilleur nectar et produire le meilleur fruit. C'est-à-dire, pour le produire, le meilleur produit, c'est le miel. Tandis que les mouches, eh bien, on sait qu'est-ce qu'elles font. On sait où elles vont, puis on sait qu'est-ce qu'elles donnent. Donc il faut se distinguer. Après, le cheikh dit wa qawluhum khayrukum al-mudafi' an 'ashiratihi wa lam ya'tham. Khayrukum man dafa'a 'an al-mudafi' 'an 'ashiratihi wa lam ya'tham. Il n'a pas cité ce hadith-là encore. Il ne l'a pas cité, mais c'est un hadith qui dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui défend sa famille tant que ça n'implique pas de faire un péché. Qui défend sa famille tant que cela n'implique pas de commettre un péché. » يعني أن الإنسان الذي ينصر قبيلته بأخذ الحق المشروع لها ودفع الظلم عنها هذا أمر محمود. أما إذا كانوا هم المعتدين الظالمين ويريد أن يدافع عنهم وعن ظلمهم فهذا من أمور الجاهلية المنهي عنها. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'un homme, il va défendre sa tribu pour prendre la vérité, pour prendre qu'est-ce qui est son droit. Ça c'est légiféré, c'est permis. Et de repousser l'injustice, Ça, c'est quelque chose qui est louable, c'est quelque chose de bien. Toutefois, si sa famille fait partie des transgresseurs et de ceux qui font l'injustice, et qu'il veut défendre l'injustice de son peuple et de sa famille, hein, alors là, ça c'est quelque chose qui fait partie de la jahiliya et qui est interdit. Après le cheikh il dit والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن دعا الى عصبية او قاتل على عصبية او مات على عصبية لان هذا الفعل من افعال الجاهلية المذمومة شرعا وفاعله او الذي يدعو اليه يكون فيه جاهلية اما المسلم فانه يدور مع الحق أينما دار سواء كان مع قومه أو مع غيرهم فإن كان قومه ظالمين فإنه يمنعهم من الظلم وإن كانوا مظلومين فإنه ينتصر لهم بالحق ويدفع الظلم عنهم كما قال سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. نعم. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est désavoué de celui qui a appelé à al-asabiyya, c'est-à-dire de défendre ton peuple même dans l'injustice, ou qui a combattu pour al-asabiyya, ou bien qui est mort sur al-asabiyya, parce que cela fait partie des actes de la jahiliya qui sont blâmables selon la charia. Et celui qui agit de cette manière, hein, et qui appelle à cela ou qui invite les autres à cela, eh bien il a en lui de l'ignorance et de la jahiliya. Tandis que le musulman, lui, non, il n'agit pas comme ça. Il va là où la vérité l'amène. Il tourne là où la vérité tourne. Et il continue droit lorsque la vérité continue droit. Hein? Peu importe que la vérité soit avec son peuple ou avec les autres. Il ne va pas dire, moi je vais juste être avec mon peuple, peu importe qu'est-ce qu'ils disent, que ce soit vrai ou faux, je suis avec eux. Et je vais être contre ce peuple qui ne sont pas mon peuple, peu importe qu'est-ce qu'ils disent, que ce soit vrai ou faux. Non. Tu suis la vérité, peu importe avec qui elle est, peu importe où est-ce qu'elle t'amène. Donc il dit, si ton peuple sont des injustes, tu les empêches de faire l'injustice. Et si ton peuple sont des opprimés, alors tu les défends, hein, pour le droit qu'ils ont, en repoussant l'injustice qui leur est faite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 39, dans surat Ash-Shura, et ceux, lorsqu'ils sont frappés par une injustice ou une transgression, ils se défendent. Ceux-là sont glorifiés par Allah. Ceux qui sont frappés par une injustice ou une transgression de la part de gens, eh bien, ils se défendent. Hein? Ou bien ils appellent à ce qu'on vienne les défendre. وقوله من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير إلى آخره أي من أعان قومه على عصبية فإنه مثل البعير الذي يتردى على رأسه ولا يتمكن من التخلص إلا بتحريك ذنبه. Non. Donc il dit, celui qui défend son peuple même dans qu'est-ce qui est contraire à la vérité, c'est comme un âne à qui on a couvert la tête et qu'on tire par la queue ou quelque chose comme ça. Donc il explique que celui qui a aidé son peuple à faire dans l'injustice, c'est comme un âne auquel on a mis quelque chose sur sa tête. Il n'est pas capable de l'enlever, excepté qu'il bouge sa queue, mais cela n'arrive pas à le libérer. Donc c'est une expression. Il dit, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, je pense qu'on va lire ça, puis après on va s'arrêter à cet endroit-là après. فإذا كان هذا الداعي وهذه الأسماء في هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والداعي والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, maintenant il fait un parallèle entre qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport au hadith des deux jeunes qui se sont battus parmi les muhajirines et les ansars, et il dit, regardez, si de s'appeler par ces deux noms, Muhajirin et Ansar, qui sont à la base des beaux noms, des noms qui ont été légiférés par l'islam, si ça a été condamné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que ce sont des appartenances, des appartenances que Allah et son messager aiment, alors que dire de ceux qui font preuve de ce genre de fanatisme ou d'attachement à une tribu dans quelque chose d'autre. Hein, le partisanerie ou le fanatisme ou le fait d'appartenir à un tribal, être tribaliste ou nationaliste ou raciste ou des choses de ce genre, de façon autre et par des appellations qui ne sont même pas glorifiées ou louables et que Allah n'aime pas particulièrement. Hein, comme le fait de s'appeler par des origines, par des appellations ou des attributions, des choses comme ça. Donc, soit que c'est des choses parfois qui sont permises ou des choses qui sont détestables. Donc, c'est encore plus laid, c'est encore plus grave que de le faire en se basant sur des noms qui sont légiférés. Il dit « وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْتِسَابِ إِلَى الْإِسْمِ الشَّرَعِي أَحْسَنُ مِنَ الْإِنْتِسَابِ إِلَى غَيْرِهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقِ عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا يعني هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري يعني حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة وهي نسب حق وليست محرمة ويشبه والله أعلم يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان هذا لله كان خيرا للمرء فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا وهو مطلوب هذا الكتاب. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit donc que c'est certain que le fait d'avoir un nom qui exprime une appartenance à quelque chose qui est légiféré et qui est permis ou qui est ordonné par l'islam, que c'est mieux que d'utiliser ou d'avoir une appartenance ou un nom qui n'est pas légiféré. Et il donne l'exemple de qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là par l'imam Abu Daoud. Des hadiths de Muhammad ibn Ishaq, selon Daoud ibn Hussein, selon Abdurrahman ibn Abi Uqba, selon Abu Uqba, il était un servant d'origine des gens de la Perse. Il venait de la Perse. C'était un Perse. Et il dit, j'ai participé avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Uhud. Et j'ai frappé un homme parmi les mouchriquins. Alors, en le frappant, je lui ai dit, prends-la, c'est, prends ça. Hein? Et je suis un jeune garçon perse. Hein? Ou le jeune garçon perse. Il prend ça, il a frappé avec son épée. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tourné vers lui, puis lui a dit, pourquoi tu ne dirais pas plutôt, prends ça, de moi, je suis le jeune garçon Ansari, hein, qui fait partie des Ansar, qui vient défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh, il dit, voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a incité à utiliser cette appartenance au Ansar, même si ce n'était pas son origine pour de vrai, même s'il n'était pas des Ansar à la base, mais qu'il était Ansar par l'allégeance du fait qu'il était parce qu'il était un esclave auparavant, qui avait une esclave libérée de cette tribu. Donc il dit que de montrer cette appartenance là au Ansar était plus aimé et préférable pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que d'utiliser ou d'employer cette appartenance à la Perse, même si c'était une appartenance qui était vraie et qui n'est pas interdite en islam, mais c'est pas meilleur que celle qui a été mentionnée dans la législation. Et il dit que cela ressemble, et il dit Allah c'est mieux, à, au fait que lorsque quelqu'un utilise une appellation comme ça ou un nom pour s'apparenter à un peuple ou à une tribu ou à quelque chose comme ça, eh bien, il y aura en lui-même, dans son âme, une sorte de désir de vouloir protéger cette appartenance-là à laquelle de vouloir défendre cette appartenance-là. Et donc, c'était mieux pour lui de, justement, utiliser cette appartenance de qu'est-ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça a été prouvé dans les hadiths qu'on a mentionnés. Et il dit que le fait que dans les hadiths qui blâment tout ce qui a rapport avec la jahiliya, eh bien ça implique le blâme et l'interdiction de tout ce qui a rapport avec la jahiliya, et ça implique d'interdire de façon absolue les affaires qui ont un lien avec la jahiliya, et c'est ça le but que ce livre essaie d'établir, ce point que ce livre essaie d'établir. Il dit وإذا كان التداعي بلفظ الأنصار والمهاجرين من بعض العصبية والنخوة هذا مما يذمه الله ورسوله وإن كان اللفظان محبوبان لله ولرسوله قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فلفظ الأنصار والمهاجرين محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن الهجرة ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم عملان جليلان فمن ذكرهما من باب الشكر على النعمة فهذا أمر محمود ومن ذكرهما من باب العصبية والافتخار بذلك على الناس فهو أمر مذموم. Donc c'est ça. Le cheikh il dit que les deux jeunes qui se sont battus quand ils ont utilisé les termes muhajirin et ansar dans le but de se défendre même dans l'injustice puis des choses de ce genre, c'est devenu quelque chose de blâmable, comme on l'a dit. Alors que ces deux noms-là sont des appellations qui sont aimées d'Allah et de son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 100 dans Surat al-Tawbah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et les tout premiers parmi ceux qui ont précédé dans l'islam, parmi les muhajirines et les ansars, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, la manière la plus parfaite, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. On voit que Allah, il mentionne qu'il est satisfait des muhajirines et qu'il est satisfait des ansars et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc, le terme muhajirine et le terme ansar, c'est des termes qui sont aimés d'Allah. Parce que ça indique deux choses qui font partie des adorations et des choses que Allah aime. La hijra, qui est le fait de quitter le pays des kuffars et des mushrikines pour aller dans les pays musulmans, et Al-Ansar, qui vient de Al-Nusra, qui veut dire de défendre et de supporter, soutenir la vérité et soutenir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont deux actions qui sont très grandes, des grandes adorations et des choses très bénéfiques et très bonnes que Allah aime. Et celui donc qui le mentionne dans le but d'être reconnaissant et de mentionner la reconnaissance qu'il a pour cette grâce qui vient d'Allah, alors ça c'est quelque chose qui est louable. Mais s'il utilise ce terme dans le sens du fanatisme ou de la fierté pour s'élever au-dessus des autres, alors ça devient quelque chose de blâmable. Et c'est ça que des fois certaines personnes ils comprennent pas quand ils lisent par exemple une fatwa de Cheikh Al-Fawzan au sujet de se dire salafi. Puis que certains ulama ont mentionné que de se dire salafi, ça fait partie de, il dit ça, c'est taskiyatun nafs, de se vanter ou de vouloir se, comme si c'était une sorte de fierté. Et effectivement, c'est quelque chose qui est, comme quand quelqu'un dit qu'il suit les salafs, c'est quelque chose d'honorable, c'est quelque chose de bien, d'accord? Mais en même temps, si quelqu'un l'utilise et le dit dans le sens pour dénigrer les autres, puis pour se montrer fier, puis s'élever au-dessus des gens, ça devient blâmable. Mais si tu l'utilises dans le but de te distinguer des gens de bid'a et de clarifier la différence entre la voie des salafs et la voie de ceux qui amènent des innovations dans la religion, ça au contraire, ça, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose d'obligatoire dans ce cas-là, puisque tu dois te distinguer des gens de l'innovation et des gens de la bid'a. Mais il y en a qui ne font pas la différence entre les deux, puis qui utilisent la parole de Cheikh Al-Fawzan lorsqu'il interdit de le dire de façon pour se vanter, pour mépriser les gens, de façon absolue, comme si ce n'était pas du tout permis de le dire ou de l'employer, cette appellation-là. Et ça, c'est de l'injustice, il n'y a pas de doute que c'est un mensonge. Puisque Cheikh Al-Fawzan lui-même, il dit que ça fait partie de ce qui est obligatoire, tu vois, d'être sur la voie des salafs. Et juste aussi également, Cheikh Ibn Baz, il dit « Tazkiyatun wajiba ». Tazkiyatun wajiba, que c'est une tazkiya qui est obligatoire pour le musulman, puisque c'est quelque chose qui le distingue des innovations, des innovateurs, et des sectes et des groupes qui ont dévié de l'islam. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame ici ou de mélange. Exactement. Il a dit dans plusieurs fatwas, ça c'est très clair. Même dans, il y a un recueil de fatwas de Cheikh Al-Fawzan, Majmou' Fatawa Cheikh Al-Fawzan, et il y a une section de ces fatwas il y a une section qui répond à des choses qui ont rapport avec l'appellation de la salafia. Il y a une dizaine de questions et réponses sur ça. Et non seulement ça, mais Cheikh Al-Fawzan, il a écrit un livre pour défendre la salafia et pour réfuter Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti, un livre complet pour défendre la salafia, pour critiquer, yani ceux qui critiquent la salafia comme ça, Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti. Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti, c'est un savant de la Syrie, un soufi ash'ari qui défend l'adoration des morts et des tombes et des bid'as du shirk. Et donc, il critiquait les salafis, puis la salafia. Alors, Cheikh Al-Fawzan et d'autres ulama l'ont réfuté. Cheikh Al-Albani l'a réfuté, Cheikh Mohamed Aman l'a réfuté, plein d'autres l'ont réfuté. C'est un grand égard énorme. Il appelle au shirk, il défend le shirk. Celui qui dit qu'il veut suivre le Coran et la Sunna, mais qui ne veut pas se dire salafi, c'est parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que le mot salafi signifie, ou bien parce qu'il a un problème avec cette appellation-là lui-même. Parce que cette personne, si elle sait qu'est-ce que signifie salafi, c'est impossible qu'elle refuse de se dire salafi. Parce que être salafi, si tu regardes l'explication des ulama, ils ont dit que être salafi, ça signifie de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des sahaba, des tabi'in et des tabi'in. Hein? Et donc, si tu es d'accord avec ça, n'y a aucun problème de dire dans ce cas-là que tu es salafi. Mais si quelqu'un, tu lui dis ça, puis il dit oui, je suis d'accord avec le principe de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des sahaba et des tabi'in et des tabi'in et de suivre leur méthodologie, comment eux ils ont compris l'islam, et bien dans ce cas-là tu dis ben, si tu es d'accord avec ça, au lieu de répéter cette longue phrase, hein, tu vas juste raccourcir ça en disant salafi. Et ça veut dire exactement qu'est-ce que cette phrase signifie. Ça veut dire que tu dis que je suis une personne qui s'affilie et qui s'apparente au salaf, à nos pieux prédécesseurs. S'il est d'accord avec ça, il ne peut pas être d'accord avec, il ne peut pas être contre l'autre. Parce que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est la même chose. Si tu dis que tu es salafi, les ulama ils ont expliqué, ils ont dit, même ceux qui se disent Ahl-Sunnah wal-Jama'a, parmi eux, il y en a des gens qui sont Asha'ira ou Maturidiyya, et ils disent qu'ils sont Ahlus Sunnah wal Jama'a. D'accord? Et ils n'ont rien à voir avec Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, ça, là, tu retrouves toutes ces explications-là chez les ulama, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Usaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Baz. Mais si quelqu'un, sa tête, elle est comme de la roche, tu vas lui parler pendant 10 ans, il ne va pas t'écouter, il ne veut pas rien prendre de toi, donc tu le laisses. Si tu lui as donné les paroles des ulama, les explications, les preuves du Coran, les preuves de la Sunna, et qu'après toutes ces explications-là, pendant il y en a beaucoup de temps que tu as pris avec la personne pour lui expliquer, puis qu'elle accepte les fondements et les principes, mais elle refuse l'appellation, dans ce cas-là, pourquoi tu vas te casser la tête? Cette personne, elle ne veut pas accepter la vérité. Hein? Donc, le cheikh, il dit ensuite... فلفظ الأنصار والمهاجرين محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن الهجرة ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم عملان جليلان فمن ذكرهما من باب الشكر. Donc c'est ça. Si tu le dis dans le sens d'être reconnaissant de la grâce d'Allah qu'il t'a fait, c'est quelque chose de louable. Si tu le mentionnes comme fanatisme ou comme fierté, comme pour te montrer plus haut que les autres, ça, c'est quelque chose de blâmable. Il dit إذن فكيف بالذي يتعصب لاسم غير شرعي كالقبيلة أو الفخذ أو غير ذلك مما ينادي به أهل الجهل المتعصبون حينما يواجهون شيئا من الأمور التي يكرهونها فهذا لا شك مذموم لأن المؤمنين إخوة ليس بينهم تميز إلا بالإيمان والتقوى فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا بدل أن يتفرقوا ويتحزبوا فالمؤمنون أمة واحدة وهم يد على من سواهم ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. Donc il dit, qu'est-ce que tu dis dans ce cas-là si c'est le fait de s'appeler par des noms qui ne sont pas révélés et légiférés, comme les noms de tribus ou de familles ou des trucs de ce genre, mais qu'ils s'appellent, comme s'appellent les gens de l'ignorance, les fanatiques. Lorsqu'ils ont un problème ou quelque chose, eh bien ils s'appellent par ces noms-là pour s'appeler au secours les uns les autres. Il n'y a pas de doute que ça c'est quelque chose de blâmable. Parce que les croyants sont des frères et il n'y a rien qui doit les distinguer les uns des autres que la foi et la piété. Donc l'obligation pour les musulmans, c'est qu'ils s'entraident au lieu de se diviser et de se mettre en partie et en groupe. Les croyants doivent être une seule nation, une seule umma et une main unie les uns avec les autres. Et qu'ils se défendent les uns les autres et qu'ils s'allient les uns aux autres. Donc ça, c'est comment doivent être les musulmans. Il dit ومن ذلك العصبية إلى الجنس كقوله خذها وأنا الغلام الفارسي فلما انتسب إلى فارس مع أنه صادق في هذا لأنه فارسي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أفضل فكان الأولى أن يأتي باللفظ الفاضل فيقول خذوها وأنا الأنصاري. Il dit la même chose, c'est de s'attacher fanatiquement à notre origine, notre ethnie, le peuple d'origine duquel on est. Quand le jeune a dit « prends ça et moi je suis le jeune perse », il s'est attribué ou il s'est apparenté à la Perse, alors qu'il était véridique, il fait partie des Perses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers qu'est-ce qui est mieux. C'est-à-dire que c'était préférable de dire ou d'employer un terme ou un mot qui est meilleur. C'est-à-dire de dire prends-la et je suis un ansari. Hein, quand il lui a donné un. Donc c'est ça, subhanallah. Aujourd'hui, à propos de ce genre de formes, de différentes formes de ta'assub, tu trouves des jeunes, Allah al-Musta'an, ici à Montréal. Avant, ça existait. Quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas ces groupes-là. C'est-à-dire, il y avait des gangs de rue, comme on l'appelle aujourd'hui, mais c'était pas basé sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui. C'était par rapport aux différents quartiers. puis les jeunes, bon, ils se battaient les uns les autres pour des quartiers, des territoires, des choses comme ça. Pour rien, en fait. Pour des sottises. Mais aujourd'hui, c'est devenu des couleurs, maintenant. Ils ont remplacé ça par les Crips, les Blood, hein, les gangs qui viennent des États-Unis. Donc, ils ont copié ça, maintenant. Ils ont ramené ça à Montréal. Et il y a les Bleus et les Rouges. Hein, dans le Mustang. Et ça, là, c'est exactement ce que les gens faisaient dans la Jahiliya. C'est ça, ce qu'ils font, eux. Hein, t'es un Bleu, t'es mon frère. T'es un Rouge, t'es pas mon frère, t'es mon ennemi. Et un Bleu a touché un Rouge, donc les Rouges, on va venir se venger. Et les Bleus, ils vont venir se venger si on a touché à un Bleu. Sans même savoir pourquoi et est-ce qu'il avait raison ou non. Donc, qu'est-ce qui va arrêter ces choses-là? C'est la foi, c'est l'islam, c'est la religion d'Allah. Toutes ces choses-là, c'est des futilités. Hein. Donc le cheikh, il dit, « Wa qawluhu wa yashbihu wallah » والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجنة التي تنتسب إليه تحامي عن الجهة تهاني عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك كان خيرا للمرء يعني أن من طبيعة النفس أنها تدافع عن من تنتسب إليها وتنحاز له فإذا جعل ذلك لله كان أفضل وأحسن فالإنسان إذا دافع عن قبيلته أو بلده من باب دفع الظلم عنهم فهذا أمر محمود أما إذا كان هذا من باب الفخر والعصبية والترفع عن الناس أو على الناس فإنه مذموم فكل ما يفرق المؤمنين فإنه يذم نعم donc le cheikh il dit et donc il semblerait que la sagesse dans ça serait que les gens ont tendance à vouloir défendre la région pour laquelle ou vers laquelle ils s'apparentent s'ils sont de telle ou de telle origine. Et le cheikh, il dit que ça fait partie de la nature de l'homme, de l'âme, de vouloir défendre ceux auprès de qui ou vers qui il appartient, ceux à qui il appartient. Donc, il dit, donc s'il fait de cela quelque chose qui est pour Allah, c'est meilleur. C'est meilleur et préférable que de défendre sa tribu ou de défendre son pays seulement. Mais s'il le défend son pays ou sa tribu dans le but de repousser l'injustice qu'il leur est fait, ça c'est quelque chose qui est louable. Mais si c'est juste par fierté ou par fanatisme pour son origine ou son pays, pour s'élever au-dessus des gens, donc ça c'est blâmable. Et donc, il n'y a rien qui doit diviser les croyants de ces choses-là. Les croyants ne doivent pas se diviser entre eux par rapport à ces choses-là. Tu vois, des fois, les gens disent, ah, nous, on est Marocains, nous, on est Algériens, nous, on est Tunisiens, nous, on est, hein, nous, on est Africains, on n'est pas Arabes, nous, on est Kabyles, on n'est pas Arabes, on n'est pas... Toutes ces choses-là que tu vois, nous, on est Turcs, hein, Turkish power, Algerian power, Moroccan power, Algerian power. Ici, c'est ça qu'on voit dans les écoles. Tous les jeunes, Haitian power, hein? Chaque groupe, Italian power, Greek power. Tout le monde pense que son peuple et son origine, ils ont la force et qu'ils sont plus forts que les autres. Entre musulmans, ça ne doit pas exister. On n'a pas le droit d'avoir ces choses-là, Yann. On a le Moustan. Il y a un frère il a ramené un petit peu de la bonne. Et puis les gens, ils Allah Moussa. Non, mais ça, c'est... Oui, non, c'est de l'ignorance, ça, subhanallah. Donc, nous, les musulmans, on doit être au-dessus de ce genre de bêtises. Allah musta'an. Après, le cheikh, il termine, il dit, on va finir avec ça, il dit, وَقَوْلُهُ فَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَىٰ أَنَّ إِضَافَةَ الْأَمْرِ إِلَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ يقتضي ذمه والنهي عنه وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا وهو المطلوب في هذا الكتاب أي هذا خلاصة ما دلت عليه الأحاديث التي أوردها الشيخ أن كل أمر يضاف إلى الجاهلية فهو مذموم مما يدل على المنع من كل أمور الجاهلية وهذا ما يريده الشيخ رحمه الله Donc le cheikh il dit que dans tout ce qui a été mentionné comme hadith et qui mentionne des choses qui sont amenées à la jahiliya, qui ont un lien avec la jahiliya, ça implique un blâme et une interdiction de le faire. Et ça implique que tout ce qui a rapport avec la jahiliya de façon absolue est interdit dans l'islam. Et c'est ça qui est voulu par ce livre, c'est-à-dire que, de façon résumée, tout ce qui a été indiqué par les hadiths que le cheikh a mentionné et qui sont attribués ou reliés à la jahiliya, donc ce sont des choses blâmables et ça indique que ce sont des choses interdites, que tout ce qui a rapport avec la jahiliya c'est interdit. Et c'est ça ce que le cheikh a voulu établir en écrivant le livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine Inch'Allah. Donc demain il y a deux cours, on s'arrête ici Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.